C'est tout près, c'est Pio qui m'a dit pour goût la vie. Je dis, c'est côté, c'est dans hier. Ma puisée, l'envie chanter, l'envie rire. Sentir moi côté moi, c'est ça qui toute force moi. L'amour, passion, les grands frissons, quoi bah moi. Comme un disant dit fait, toujours pas élevé. Bon Dieu fait pour nous s'adirer longtemps. Et si l'amour tout autour est pour un petit moment, chaque homme ça fait rendre fou pour longtemps. Et si l'amour tout autour est pour un petit moment, chaque homme ça fait rendre fou pour longtemps. Manquer des vieux soldats l'enfer pour empêcher chagrin viré si la terre. C'est tout près, c'est Épio qui m'en dit trouver la joie, l'espoir. C'est côté, c'est d'envoi qui plaisir vivre à moi, oui tout neuf. Sentir à côté moi, des bois qu'avloper moi, la fièvre qui brille tout comme. Bye.